السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal l'explication de l'épître du grand savant de l'islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Cet épître qui s'intitule « Les principes qui aident à la patience ». Un épître très bénéfique qui renferme beaucoup de conseils et d'orientations pour le serviteur. Nous avions vu la semaine passée les différentes catégories de la patience qui sont au nombre de trois. Premièrement, la patience sur les obligations. Et nous avons vu les causes qui aident le serviteur à patienter sur les obligations. La deuxième catégorie qui est la patience face aux interdits. Également, nous avons vu les causes qui aident le serviteur à patienter face aux interdits. La troisième catégorie qui est la patience face aux décrets douloureux. Également, nous avons vu les causes qui aident à patienter face aux décrets douloureux. Nous avons vu que cette dernière, la patience face aux décrets douloureux, se divise en deux. Une épreuve ou une catégorie dans laquelle le serviteur n'a aucune volonté, aucun pouvoir, comme la maladie, la mort d'un proche. Il est facile pour le serviteur de patienter car il ne peut que témoigner du décret d'Allah Azza wa Jal. Le serviteur patiente donc de gré ou de force. S'il se met en colère, ne patiente pas et s'oppose au décret d'Allah, en plus de cette épreuve, il aura le péché. La deuxième catégorie, celle qui est causée par le mal des gens, ce que le serviteur subit comme préjudice provenant des gens, dans son argent, dans son honneur ou autre. Celle-ci, il est difficile au serviteur de patienter, car le serviteur a connaissance et voit la personne qui lui fait du tort. De même, l'âme réprouve le fait de se faire dominer, et celle-ci cherchera automatiquement à se venger. L'auteur du livre a ensuite mentionné les causes et principes qui vont aider le serviteur à patienter sur le mal des gens. Il a cité le premier principe qui est que le serviteur sache qu'Allah est le créateur de toutes choses, des actes et mouvements des serviteurs, et que rien ne peut se passer dans l'univers sans sa volonté. Qu'il se tourne donc vers son Seigneur, vers Allah Azza wa Jal, au lieu de se tourner vers les gens, cela le libérera de l'angoisse et du souci. Le deuxième principe qu'il a cité, c'est que le serviteur sache que cette épreuve est la cause de ses péchés, qu'il se repente, demande pardon à Allah Azza wa Jal et dise « Ceci est la cause de mes péchés. » Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit dans l'épître, troisièmement, que le serviteur prenne en considération la belle récompense qu'Allah a promise à celui qui pardonne et fait preuve de patience. Comme Allah Azza wa Jal a dit, dans le sens du verset, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Certes, il n'aime pas les injustes. Sourate Ash-Shura, verset 40. Il dit également, dans la suite, étant donné que les gens sont dans leur manière de réagir face au préjudice des gens, se divisent en trois catégories. Un injuste qui prend plus que son droit, un équitable qui ne réclame que son droit, et un bienfaisant qui passe sur la faute et laisse son droit. Il mentionna, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, ces trois catégories dans ce verset. En premier, les modérés, ensuite, il cita les devanciers, et en dernier, les injustes. Qu'il sache également que le jour dernier, un crieur s'écriera que se lèvent donc ceux dont la récompense incombe à Allah. Ne se lèveront alors que ceux qui ont pardonné et réformé. Si ce serviteur se met à l'esprit qu'il perdra la récompense s'il se venge, alors il lui sera facile de patienter et de pardonner. Fin de citation. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a cité le troisième principe qui aide à patienter sur le mal des gens. C'est que le serviteur sache et médite sur la grande récompense réservée à ceux qui font preuve de patience. Ceux qui font preuve de patience pardonnent et passent sur les fautes des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, Allah n'ajoute au serviteur par son pardon que considération. Et nul ne fait preuve d'humilité pour Allah sans qu'Allah n'élève son rang. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum » « Faites miséricorde, on vous fera miséricorde, et pardonnez, on vous pardonnera. » Dans le verset cité précédemment, l'auteur nous dit que les gens sont de trois catégories face au mal des gens. La première catégorie, c'est le serviteur qui répond au mal par le mal, identique, sans transgresser. Ceci est permis, et il n'a pas commis de péché, mais il a laissé ce qui est meilleur. La deuxième catégorie, qui est le fait de pardonner et de passer sur la faute. Ceci est le degré le plus haut, et ceux-là sont les bienfaisants. La troisième catégorie, l'injuste, qui prend plus que son droit. Celui-là est injuste, et ceci est interdit. Cependant, les savants ont devancé le fait de pardonner au fait de prendre son droit, ceci dû à la difficulté à prendre juste son droit dans la réalité. Car en général, en voulant prendre son droit, la personne dépasse la limite. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit à la suite de cela, quatrièmement, qu'il sache que s'il pardonne et fait preuve de bienfaisance, son cœur sera libéré de toute animosité envers ses frères et purifié de la rancœur, du désir de vengeance et du désir de faire du mal. Cela lui procurera comme délice du pardon, ce qui accroîtra son bien-être ici-bas et dans l'au-delà, de manière multipliée. Ceci par rapport aux bénéfices immédiats qu'il pourra tirer d'une vengeance. Il sera alors concerné par la parole d'Allah, Azza wa Jal, et Allah aime les bienfaisants, Surat Ali Imran, verset 134. Il sera alors aimé par Allah, il sera à l'image de celui à qui on a pris un dirham et qui a reçu en retour des milliers de dinars. Il sera réjoui de ce qu'Allah lui a fait don, comme il ne l'a jamais été. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, mentionne dans ce paragraphe le quatrième principe qui aide le serviteur à patienter sur le mal des gens. C'est que le serviteur, s'il patiente, pardonne et est bienfaisant envers les créatures, alors son cœur s'élargira et il sera débarrassé de la haine, de la rancœur envers ses frères, du désir de vengeance. Également, que le serviteur sache que s'il est bienfaisant envers les créatures, en pardonnant, alors il sera aimé par Allah, car Allah aime les bienfaisants. L'auteur du livre a dit à la suite de cela, cinquièmement, qu'il sache que personne ne s'est vengé pour lui-même sans que cela ne fasse naître en lui un avilissement. Alors que s'il pardonne, Allah l'honorera. C'est ce que le véridique, le digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé en disant, Allah n'ajoute à son serviteur par son pardon que considération. L'honneur qu'il aura en pardonnant est préférable et plus bénéfique pour lui que l'honneur obtenu par la vengeance. Car cet honneur n'est qu'une apparence et fait naître dans le fort intérieur un avilissement. Tandis que le pardon est un avilissement dans le fort intérieur, mais fait naître une dignité et un honneur intérieur et extérieur. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, mentionne dans ce paragraphe le cinquième principe. C'est que le serviteur sache que le fait de se venger est en réalité un avilissement dans le fort intérieur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté, ne s'est jamais vengé pour lui. Mais lorsque les interdits d'Allah étaient transgressés, il se mettait en colère. Certes, la majorité des gens pensent que l'honneur réside dans la vengeance et que le fait de ne pas se venger pour sa propre personne constitue un avilissement, alors que c'est tout le contraire. Et le fait de ne pas se venger fait partie des caractéristiques des prophètes, comme on peut le voir avec Youssouf alayhi salam, qui ne s'est pas vengé de ses frères. Et ce principe est l'explication du hadith mentionné « Ma zad Allahu abdan bi'afwin illa izza » Allah n'ajoute au serviteur par son pardon que considération. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit à la suite, sixièmement, et ceci est une des leçons les plus importantes, c'est que le serviteur sache que la rétribution est du même genre que l'action accomplie, et que le serviteur est lui-même transgresseur et pécheur, et que celui qui pardonne, Allah lui pardonne, et celui qui passe sur les fautes, Allah passera sur ses fautes. Qu'il sache également que son pardon pour eux, sa clémence et sa bienfaisance, en dépit du tort que les gens lui font, sont une raison pour qu'Allah le récompense de la même manière, en lui pardonnant, en lui accordant sa clémence malgré ses péchés. Il lui sera donc facile de patienter, de pardonner, et ce bénéfice suffit à toute personne douée de raison. Fin de citation. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, mentionne dans ce paragraphe le sixième principe qui est une règle parmi les règles de la religion, qui est la récompense ou la rétribution est du même genre que l'action accomplie. Et nous pouvons voir cela à travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, quiconque soulage un croyant dans ce bas monde, Allah le soulagera le jour de la résurrection. Quiconque rend les choses faciles à quelqu'un, Allah lui rendra les choses faciles dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quiconque couvre un musulman, Allah le couvrira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit, septièmement, qu'il sache que s'il consacre son temps à chercher à se venger et à réclamer son droit, il perdra son temps. Son cœur se dispersera et laissera s'échapper des bénéfices qu'il ne pourra pas rattraper. Et il se peut que cela est plus grave que le malheur qu'il a atteint de leur part. Alors que s'il pardonne et passe sur les fautes, il libérera son cœur et son corps pour des choses qui sont beaucoup plus importantes pour lui que la vengeance. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a mentionné le septième principe qui aide le serviteur à patienter sur le mal des gens, qui est que si le serviteur se concentre à la vengeance, il perdra à travers cela son temps et oubliera la cause de son existence qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, chose qui est plus importante pour lui que le fait de se venger. L'auteur du livre a dit par la suite, huitièmement, sa vengeance, sa recherche de son droit et la victoire personnelle sont en réalité une façon de satisfaire son ego. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour lui-même. Si celui qui est la meilleure de toutes les créatures d'Allah et la plus généreuse de toutes ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, alors que celui qui lui fait du tort a fait du tort à Allah, que sa personne est la plus honorable, la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus honorable et la plus éloignée de tout vil comportement, la plus méritoire des plus beaux comportements, et que malgré cela, il ne s'est jamais vengé pour sa personne, comment l'un d'entre nous se permettrait-il de venger sa propre personne alors qu'il sait que son âme contient, alors qu'il sait ce que son âme contient comme mal et défaut? Bien plus, le véritable connaisseur de sa personne sait que sa personne ne mérite pas qu'il la venge et qu'elle n'est pas une valeur si importante qui rend obligatoire le fait de la dédommager. Fin de citation. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, sauf quand les interdits d'Allah étaient transgressés, alors il se vengeait pour Allah, comme ceci est rapporté dans le hadith de Aisha radiallahu anha. Parmi les principes qui aident à la patience face au mal des gens, le fait de revenir constamment à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de savoir et de connaître les différentes situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il a agi en suivant son exemple dans toute chose. À la suite de cela, l'auteur du livre rahimahullah ta'ala a dit, neuvièmement, s'il est persécuté pour une œuvre accomplie pour Allah ou pour avoir obéi à Allah dans ce qu'il a ordonné ou interdit, il lui est obligatoire de patienter et il ne doit pas chercher à se venger. Il a certes été persécuté pour Allah, sa récompense incombe alors à Allah. C'est pour cela que le sang et les biens des combattants dans le sentier d'Allah n'étaient pas assurés, car Allah a acheté leurs personnes et leurs biens. Le prix à payer incombe à Allah et non pas aux gens. De ce fait, quiconque réclame le prix aux gens n'aura pas de récompense de la part d'Allah, car celui qui perd quelque chose pour Allah, c'est à Allah de lui rembourser. Si le mal subi est dû à une épreuve douloureuse, qu'il ne s'en prenne qu'à lui, en blâmant sa personne, et le fait qu'il blâme sa propre personne l'occupera, au lieu de blâmer celui qui lui a causé du tort. Si le mal qu'il subit est dû à une part de bien qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyé, c'est-à-dire un bien mondain, qu'ils s'arment alors de patience, car derrière l'obtention des biens se cache quelque chose de plus amer que la patience. Ainsi, quiconque ne patiente pas face à la chaleur intense, à la pluie, à la neige et à la difficulté du voyage, et face aux brigands, alors il ne lui convient pas de se lancer dans le commerce. Il est bien connu que celui qui est sincère dans la quête d'une chose s'armera afin de l'obtenir d'une patience proportionnelle à la sincérité, à sa sincérité dans sa quête. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, mentionne dans ce paragraphe le 9e principe. Il nous dit, si le mal, le préjudice est en rapport avec la religion d'Allah Azza wa Jal, comme le préjudice que subit celui qui appelle à Allah ou qui ordonne le mal et interdit le blâmable, alors la patience sur cela est obligatoire. Effectivement, toute personne qui appelle à la vérité subira des préjudices et ne devra pas se venger pour sa propre personne. Si le préjudice est dû à une épreuve douloureuse, alors qu'il blâme sa propre personne en disant « ceci est dû à mes péchés », qu'il se repente et demande le pardon. Si le préjudice est dû à des biens mondains, alors qu'il s'arme de patience. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit à la suite, dixièmement, qu'il sache que s'il patiente, Allah sera avec lui. Il aura l'amour d'Allah et son agrément. Et celui qui a Allah avec lui, Allah éloignera de lui toutes sortes de nuisances et préjudices que personne parmi les créatures ne peut repousser. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, et soyez endurants car Allah est avec les endurants. Sourate Al-Anfal, verset 46. Il dit également dans le sens du verset, et Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran, verset 146. Le dixième principe qui aide à la patience, c'est que le serviteur sache que s'il patiente, Allah est avec lui. De même, s'il patiente, Allah l'aimera et l'agréera. Comme ceci est mentionné dans les versets, Allah Azza wa Jal aime les patients. Allah Azza wa Jal est avec les patients. Et Allah est avec les patients en les assistant, en leur donnant la victoire et en les préservant. L'auteur du livre a dit à la suite de cela, onzièmement, qu'il sache que la patience est la moitié de la foi, qu'il ne consacre donc pas une partie de sa foi à défendre sa propre personne. S'il patiente, il aura préservé sa foi et l'aura préservé de tout manquement. Et Allah se charge de prendre la défense de ceux qui ont la foi. Ensuite, l'auteur du livre a mentionné le 11e principe qui va aider le serviteur à patienter sur le mal des gens. Nous avions déjà mentionné dans les cours précédents la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit « la foi se divise en deux, la patience et la reconnaissance ». De ce fait, si le serviteur est patient et ne cherche pas à se venger, il aura certes préservé la moitié de sa foi, qui est la patience. Et certes, si le serviteur a été assisté par Allah dans la patience, il a certes été facilité à l'accomplissement d'un énorme bienfait, qui est la patience, ce qui implique au serviteur d'être reconnaissant pour ce bienfait. L'auteur du livre a dit à la suite de cela, douzièmement, qu'il sache que son endurance est une maîtrise de soi, une domination de son ego et un triomphe sur son âme. Dès lors qu'une âme est dominée et soumise, celle-ci ne saurait subjuguer son maître, l'emprisonner et le mettre en péril. A contrario, dès qu'une personne obéit à son âme, lui prête l'oreille et est dominée par elle, cette âme n'aura dès lors cesse de lui inspirer des choses, et ce jusqu'à ce qu'elle le conduise à sa perte. Sauf si la miséricorde de son Seigneur l'atteint. S'il n'y avait dans l'endurance que la maîtrise de soi et de ses démons, cela serait suffisant. Dès lors, l'autorité du cœur se manifesterait et ses soldats s'affirmeraient, le cœur se réjouirait, se renforcerait et chasserait de lui l'ennemi. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, mentionne ici, dans ce paragraphe, le 12e principe qui aide à patienter face au mal des gens. Ce principe qui est le fait de combattre son ennemi extérieur et intérieur. L'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur qui est le shaitan. L'ennemi intérieur qui est l'âme incitatrice au mal. Les catégories d'âmes sont de trois. Comme ceci a été relaté, dans le Coran. La première catégorie qui est An-Nafsul Lawwama, l'âme qui ne cesse de se blâmer sur ses manquements. L'âme qui ne cesse de blâmer son auteur sur ses manquements. La deuxième catégorie, Nafsun Ammaratun Bissou, l'âme incitatrice au mal. Une âme incitatrice au mal. Comme cela a été rapporté, Wa na'ouzu billahi min shururi anfusina. Et nous prenons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes. La troisième catégorie qui est An-Nafsul Mutma'inna, c'est celle qui pousse son auteur à accomplir ou celle qui accomplit les ordres et délaisse les interdits, celle qui accomplit les actes recommandés et délaisse les choses blâmables. Et celle-ci est la meilleure des âmes. Et les gens sont de deux catégories par rapport à l'âme en général. Il y a celui qui maîtrise et domine son âme et la conduit comme il se doit. Celui-ci lui sera facile de patienter. Et il y a celui dont l'âme a autorité sur lui, le domine, le maîtrise et le mène à sa perte. Celui-là, il lui est difficile de patienter car l'âme lui insuffle des mauvaises insufflations comme la vengeance et le fait de ne pas pardonner. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit, treizièmement, qu'il sache que s'il est endurant, Allah le secourra inévitablement. En effet, Allah est le garant de celui qui patiente. Allah est le garant de celui qui patiente et remet le cas de celui qui lui a fait injustice entre les mains d'Allah. Tandis que celui qui cherche à se faire justice, Allah le laissera à son sort et il ne trouvera d'autre secoureur que sa propre personne. Qu'en est-il de celui qui a Allah comme secoureur, le meilleur des secoureurs pour défenseur, à celui qui a pris comme secoureur sa propre personne, qui est la plus impuissante et la plus faible des secoureurs. L'auteur du livre a dit par la suite, quatorzièmement, sa patience face à celui qui lui a fait du tort et le fait qu'il endure son mal contraindra son agresseur ou son ennemi à cesser son injustice, à regretter, à s'excuser et à subir les reproches des gens. Il aura honte de ce qu'il aura commis et regrettera ses actes. Bien plus, il deviendra après cela un ami. Et ceci est le sens de sa parole, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-il un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Sourate Fussilat, versets 34 et 35. L'auteur du livre mentionne dans ce paragraphe le 14e principe qui aide à patienter sur ou face au mal des gens. Le fait que le serviteur patiente face au mal de celui qui lui a causé du tort contraindra ce dernier à avoir honte et à délaisser ce mal et à présenter ses excuses. Mais si cela n'est pas le cas, alors le serviteur aura agi en fonction de la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est de repousser le mal par ce qui est meilleur, de pardonner, de passer sur les fautes, et il se libérera de la volonté de se venger. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit à la suite, quinzièmement, il se pourrait même que s'il se venge de celui qui lui a causé du tort, ceci soit une cause de l'accroissement de son mal, envers lui, et le pousse à réfléchir à d'autres moyens de lui nuire, comme cela est constaté la plupart du temps. Mais si le serviteur patiente, endure et pardonne, alors il sera à l'abri d'un tel mal. Et certes, l'être raisonnable ne choisit jamais le plus grave des deux maux en évitant le moins grave. Et combien de fois la vengeance entraîne un mal que leur auteur n'a pas été capable de repousser? Et combien de personnes, de monarchies, de commandements et de biens ont disparu si seulement la victime avait choisi de pardonner? Tout cela n'aurait pas été perdu. Fin de citation. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, mentionne dans ce paragraphe le 15e principe qui aide à la patience, qui est que le fait de se venger pourrait donner lieu à un mal plus grand auquel on ne s'attendait pas. Il se peut que l'injuste redouble d'efforts dans son mal. De ce fait, s'il patiente, il évitera un mal plus grand. L'auteur du livre a dit par la suite, 16e, celui qui a l'habitude de se venger et n'endure pas le mal des autres commettra et tombera forcément dans l'injustice, car l'âme ne s'arrête que rarement à son dû. L'âme ne s'arrête que rarement à son dû dans la justice. Il se pourrait qu'elle ne puisse s'arrêter à son dû car la colère prend le dessus sur l'individu au point qu'il n'est plus conscient de ses paroles et de ses actes. Alors qu'il était victime d'une injustice, attendant le secours et les honneurs d'Allah Azza wa Jal, il passe du statut de victime à oppresseur qui attend le courroux et le châtiment d'Allah. Fin de citation. Ceci car il est très difficile de récupérer et de rendre le mal de façon équitable. Car en général, la personne dépasse la limite lorsqu'il veut rendre le mal, ne serait-ce que d'un cran. Il deviendra alors injuste après avoir été opprimé, alors que s'il pardonne et patiente, il sera préservé de tomber dans la justice. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit à la suite, 17e, cette injustice dont il a subi est une cause d'expiation de péché. Et cette injustice qu'il a subie est une cause d'expiation des péchés ou d'élévation en degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il se venge et n'endure pas, cela ne sera pas pour lui une cause d'expiation des péchés ni d'élévation en degré auprès d'Allah. Fin de citation. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, mentionne le 17e principe qui est que le serviteur, lorsqu'il subit une injustice, patiente et espère la récompense d'Allah, ceci sera une cause qu'Allah lui pardonne ses péchés et l'élève en degré. Alors que s'il se venge, il n'aura pas cette grande récompense qui est l'expiation des péchés et l'élévation en degré. L'auteur du livre a dit, 18e, son pardon et son endurance sont ses meilleures armes contre son oppresseur, son adversaire. Celui qui choisit d'endurer et de pardonner, sa patience entraîne chez son ennemi, son agresseur, avilissement, peur et crainte de lui et des gens. Car les gens ne se tairont pas sur son ennemi, même si lui se tait. Mais si la victime opte pour la vengeance, alors tout cela s'en va. C'est pour cela que l'on constate que beaucoup de gens aiment, quand ils insultent ou font du tort à autrui, que leurs victimes réagissent. Ainsi, lorsque leur victime riposte, ils se sentent soulagés et débarrassés d'un poids qu'ils avaient sur la conscience. Fin de citation. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit à la suite, 19e, s'il pardonne à son antagoniste, cela donnera le sentiment à ce dernier que sa victime l'a surpassé et qu'elle a tiré plus d'avantages que lui. Il ne cessera alors de se sentir inférieur à sa victime et cela suffit comme mérite et honneur pour le pardon. Ceci, car celui qui a pardonné a en réalité concrétisé l'ordre d'Allah Azza wa Jal en pardonnant. Quant à celui qui a causé du tort, n'a pas concrétisé l'ordre d'Allah, mais a plutôt contredit l'ordre d'Allah Azza wa Jal car il a été injuste. Ceci lui procurera un sentiment d'infériorité par rapport à sa victime. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit, pour terminer, 20e, si le serviteur pardonne, cela sera une bonne action en sa faveur, et cela engendrera pour lui une autre bonne action, qui engendrera encore une autre bonne action, et ainsi de suite. Ces bonnes actions ne cesseront d'augmenter, car la récompense d'une bonne action est une bonne action, tout comme la mauvaise action est sanctionnée par une mauvaise action. Cela pourrait même être la raison de sa réussite et de son bonheur éternel, mais s'il se venge, alors tout cela sera perdu. Fin de citation. Nul doute que celui qui sait que dans la patience et l'endurance, Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes du bien, devancera alors le pardon et la patience à la vengeance. Car certes, Allah peut éprouver son serviteur par une personne injuste qui sera en réalité la cause de son entrée au paradis. Cette épreuve sera pour lui alors un bienfait après avoir été une épreuve. Voici les 20 principes qui aident à patienter sur le mal des gens que l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a mentionné dans cet épître. Des principes remplis d'orientation, de conseils pour le serviteur dans sa vie de tous les jours. Il convient à chacun d'entre nous de tirer profit et bénéfice de ces précieux conseils. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser pleinement l'auteur Cheikhul Islam Rahimahullah Ta'ala pour ses conseils qu'il nous a prodigués. Nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de clôturer l'explication de cet épître. On demande à Allah Azza wa Jal de nous rendre bénéfique cet épître, qu'il nous facilite l'accomplissement de ces précieux principes dans notre vie, dans notre cheminement vers Allah, qu'il fasse de nous des serviteurs patients et reconnaissants. Que cette science ne soit pas pour nous, ne soit pas un argument contre nous, mais un argument pour nous le jour dernier. Falhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.